Bonjour Valérie. Bonjour Caroline, et j'ai envie de dire aussi bonjour à tous les auditeurs de CKRL et un bonjour particulier à François Grégoire, co-animateur de Futur Simple, qui s'ennuie un peu de la radio, qui travaille dans l'ombre pour mettre les chroniques en ligne sur la page Facebook de Futur Simple. Alors je voulais le remercier. Merci François. Merci beaucoup François. Vraiment, tu fais un travail dans l'ombre essentiel, comme beaucoup de gens de ce temps-ci. Mais enfin, si François veut venir, veut nous parler à tout moment, il est bienvenu à l'émission le matin. Valérie, ce matin, on va parler de quelque chose qui est dans l'air, là, les stratégies de déconfinement. Monsieur Legault, hier, depuis quelque temps, on sait que ça s'en vient. Inévitablement, il va falloir déconfiner tranquillement, pas vite. C'est peut-être de la lumière au bout du tunnel, là. C'est bien loin, c'est un grand, grand tunnel encore, mais il y aura tout de même une réouverture progressive de certains secteurs de l'économie. On l'a vu avec la construction et peut-être en mai aussi les écoles, on verra. De toute façon, quoi qu'il en soit, il reste qu'il y a beaucoup de flou, hein, Valérie, sur la façon la façon de procéder pour déconfiner les gens. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on le sait du côté de la santé publique? J'imagine qu'on a une bonne idée vers quoi on s'en va. Je crois que je suis pas sûre qu'on ait une bonne idée. Ah ouais. Je crois qu'il faut s'attendre à, mais je crois que nous personnellement en tant que dans la population, il faut s'attendre à un long processus semé d'incertitudes. Si on en croit un article de Benoît Masse, qui est un professeur à l'école de santé publique de l'Université de Montréal, et dans un article qu'il a écrit dans Options politiques, si on en croit son article, il faut s'attendre à faire le yo-yo entre déconfinement et confinement. Et si on en croit un autre article paru dans Science dernièrement, il faut s'attendre à faire des expérimentations sous forme d'essais-erreurs. Donc, on voit que les deux articles se rejoignent un petit peu. Et on serait les cobayes, en quelque sorte. Mais avant de parler de déconfinement, en fait, faut avoir atteint le plateau de l'épidémie et être sur la pente descendante. La direction de la santé publique avait annoncé que le plateau serait atteint autour du 18 avril. Alors aujourd'hui, on est le 22 avril et qu'en est-il? Eh bien, j'ai regardé les cartes de la cartographie de l'épidémie que le géographe de l'Université Laval met à jour quotidiennement. J'en avais parlé dans les chroniques de ça. Donc, je suis retournée voir ça. Et on s'aperçoit que depuis le début avril, le nombre de nouveaux cas enregistrés chaque jour oscille entre 600 et 900. Donc ça se promène entre 600 et 900, donc bon, on est peut-être sur un plateau qui est aussi entre 600 et 900, mais on n'est pas encore dans la descente de ce côté-là. Non, c'est ça, c'est un plateau qui stagne, mais pas, c'est pas descendant encore. Le plateau stagne, mais on peut imaginer que la descente va être assez longue aussi. Oui. Mais est-ce que les chiffres sont pas encourageants là si on regarde le taux d'hospitalisation? Parce que on dit, il y a deux personnes de moins aux soins intensifs de ce côté-là. Si on regarde les chiffres du côté des hospitalisations Donc si on regarde du côté des hospitalisations, c'est pas flagrant. Il y a eu une légère diminution du nombre d'hospitalisations pour la première fois le 19 avril, le lendemain du 18 avril, la date du plateau annoncé, donc ça faisait du bien, mais c'est reparti avec une légère hausse dès le lendemain, le 20, le 21 avril. Donc, on est encore sur une sorte de plateau, peut-être, ou de petite montée qui peut-être commence à plateauiser, mais c'est pas flagrant. Par contre, comme tu le dis, oui, il y a une diminution du nombre de personnes aux soins intensifs, et ça, c'est quand même un signe encourageant. Mais je voudrais quand même revenir à Benoît Masse. Il a été interrogé dans la presse hier, et il disait que la transmission du virus était maîtrisée. Puis comme le disait ta chroniqueuse précédente, donc hors CHSLD, la situation semble quand même relativement maîtrisée. Même Benoît Masse disait qu'il y a encore des problèmes de dépistage et donc de risque de contagion dans des endroits vulnérables. Il pourrait y avoir une flambée quelque part dans un endroit qu'on n'a pas vraiment soupçonné. Et donc, selon lui, le Québec ne remplit pas encore les conditions de l'OMS pour sortir du confinement. Soyons réalistes. On le disait aussi un peu plus tôt avec Raymond Côté, là. Regardons la réalité en pleine face. Mais enfin, Valérie, explique-moi, là, moins de personnes aux soins intensifs, c'est encourageant. Donc, on pourrait pas envisager à partir de ces chiffres-là un déconfinement progressif? Si on en croit Benoît Masse, d'un point de vue épidémiologique, c'est trop tôt. Mais dans l'article de Science, on lit que les gouvernements doivent conjuguer entre santé publique, liberté des citoyens, bon, la lassitude qu'on pourrait avoir du confinement, et puis l'économie. Donc, tout ça, faut mettre tout ça ensemble. Et c'est ce qui incite un peu les gouvernements à annoncer le déconfinement, même s'il y a un certain flou qui entoure la façon dont ça va se faire. Donc, on peut penser que c'est à la fois, donc ce flou-là, on peut penser que c'est à la fois parce qu'on ne sait pas vraiment comment faire ce déconfinement et aussi pour donner une marge de manœuvre au gouvernement dans la façon dont ça va se faire. Parce que si on déconfine, on comprend qu'il ne faut pas déconfiner trop vite. Mm-hmm. D'ailleurs, l'OMS met en garde contre un déconfinement trop rapide parce que ça pourrait faire surgir une deuxième vague de l'épidémie. Donc, en fait, le confinement, là, les mesures barrières et la distanciation physique, ça permet de diminuer le R0. Et là, je sais pas, j'avais expliqué il y a quelques chroniques de ça. Le R0, en gros, c'est le nombre de personnes qu'une personne infectée peut infecter à son tour. C'est une mesure de la contagion, en quelque sorte. Donc, si le R0 est supérieur à 1, le virus va se répandre. Et s'il est en dessous de 1, l'épidémie est freinée. Donc, tous nos efforts collectifs permettent vraisemblablement de faire descendre le R0 vers 1. Mais si on relâche l'effort, vu que le virus n'a pas disparu, le R0 va remonter et la contagion va reprendre. Ouais, c'est un virus qui, on le voit, est très contagieux. Et là, comme on est en distanciation sociale depuis plus d'un mois, presque 2 mois même, le virus n'a pas disparu. Il n'y a pas assez de personnes, donc, qui l'ont attrapé. Il n'y a pas de protection sociale, d'immunisation collective. Voilà, c'est ça. Le virus, il n'a pas disparu. On a environ 20 000 cas au Québec. C'est à la fois beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup, c'est pas assez pour procurer cette fameuse immunité collective. Ouais. Donc, où on dit que s'il y a 70 ou 80% de population qui ont attrapé le virus, qui sont immunisés, ça va empêcher, finalement, le virus, ça va être bloqué par toutes ces personnes immunisées, il pourra plus se répandre. Mais comme on teste pas tout le monde, il y a peut-être plus que 20 000 personnes au Québec qui ont contracté le virus et donc qui ont des anticorps, qui ont peut-être une certaine immunité, mais on ne le sait pas vraiment. Le ministère de la Santé et des Services sociaux estime que moins de 10% de la population est immunisée. C'est pas beaucoup. Donc, non, ça c'est pas beaucoup, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. En France, hier, on parlait de 5,7%, donc c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que dès qu'on va relâcher le virus, le confinement, je veux dire, en quelque sorte, oui, on va relâcher le virus aussi. Le virus, lui, va avoir 90% de la population infectée, il va être content. D'où la crainte d'une deuxième vague et d'où la nécessité d'un déconfinement progressif et prudent. Et pour avoir une immunité là, collective, il faudrait qu'autour de 60-70%, un peu plus de la moitié de la population. C'est ce qu'on entend, ça dépend du R0 justement du virus, mais c'est ce qu'on entend. Donc entre 10% et 60%, il y a une grande marge. Et tant qu'il y a s'il y a beaucoup de personnes qui sont immunisées, si on est à 60%, c'est clair que le virus, il se heurte à des gens qui sont immunisés, donc il se propage pas. Mais s'il y a 90% de la population qui est pas immunisée, il peut se propager allègrement. Ouais, ça peut être long. Vivement un vaccin. Ouais. Mais là, d'ici là, on a vu en Europe, la vague est passée avant nous. Qu'est-ce qu'ils font les pays d'Europe? Est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer de ce qu'ils font? Est-ce que c'est ce qu'on va faire? C'est sûr que en ce moment, les yeux sont tournés vers l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne. Eux, comme tu le dis, la vague est passée un petit peu avant ici, donc ils sont sur la pente descendante, ils sont eux aussi en train de maîtriser la propagation du virus, et ils rouvrent progressivement les écoles et les commerces. Mais c'est difficile de se fier complètement à ce que font les autres pays, de copier ce qu'ils font, parce que chaque pays a une situation différente, parce qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies de dépistage. L'Allemagne teste énormément de personnes. Ils n'ont pas non plus la même politique de distribution de masques à la population. En Autriche, il y a une distribution de masques pour toutes les personnes qui rentrent dans les magasins, par exemple. Le magasin distribue des masques, sinon on ne rentre pas dans les magasins. Oui. Donc on peut pas forcément se fier, on peut regarder ce qui se passe, mais on peut pas copier les stratégies vu qu'on n'est pas exactement dans les mêmes situations de départ. Dans l'article de Science, on lit qu'il faut déconfiner en contrôlant le R0, et pour ça il y a 3 leviers, donc faire beaucoup de tests et tracer les personnes qui ont été en contact avec les cas positifs pour pouvoir les isoler. Il faut contrôler les frontières pour ne pas faire entrer de cas positifs de l'extérieur et il faut maintenir les gestes barrières. Et l'auteur, il écrit qu'il n'y a pas de données probantes pour prendre des décisions et qu'il faut expérimenter. Encore une fois, on y revient à l'expérimentation, mais en même temps, on veut pas trop de mauvaises expériences. Il n'y a pas trop de marge d'erreur, si je puis dire. Alors, on veut pas... En fait, ce qu'il faut pas qu'il arrive, c'est que le taux d'hospitalisation grimpe en flèche et que le nombre de personnes aux soins intensifs leur reparte à la hausse. C'est ça le nerf de la guerre, hein? C'est les soins intensifs, les respirateurs et tout, là. Voilà. Que la population est à une petite dose le virus chez soi puis qu'il y a un mauvais rhume, ça va, mais on veut pas que les gens se retrouvent aux hôpitaux, là. Voilà, c'est ça. Donc, comme tu dis, on faut expérimenter, mais on veut pas de mauvaises expériences et on veut pas que les hôpitaux soient surchargés avec des gens qui ont difficilement accès aux respirateurs. Donc, et c'est dans ce sens que Benoît Mas, donc, dans son article qu'il a écrit dans Option Politique, parle d'une stratégie en yo-yo. Donc, il faut que le nombre de personnes hospitalisées ne dépasse pas les capacités du système de santé. Donc, si on déconfine, il est probable que le virus se répande à nouveau dans la population. Et dans cette deuxième vague, il faut surveiller le taux d'hospitalisation et reconfiner au moindre signe d'énervement pour éviter d'engorger le système de santé. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à Hong Kong et à Singapour. À Hong Kong, eux ont eu la vague plus tôt. Ils ont bien maîtrisé l'épidémie avec une stratégie de tests très large et le traçage des personnes qui étaient en contact avec les cas positifs. Et les mesures de confinement étaient relativement souples à Hong Kong par rapport à ce qu'on a ici ou en Europe. Puis Hong Kong a relâché le confinement quand ils ont cru l'épidémie maîtrisée. Et l'épidémie est repartie. Et donc, voilà. Hong Kong a resserré le confinement, finalement. Bon. Donc, deuxième vague, premier confinement, deuxième vague, reconfinement. Donc, Benoît Mas dit qu'il faut s'attendre à une sorte de yo-yo entre confinement et déconfinement, avec des vagues successives qui seraient moins fortes que la première. Et d'ailleurs, il y a une équipe de l'Imperial College de Londres qui a modélisé pour le Royaume-Uni cette série de vagues jusqu'à l'automne 2021. Bon, d'ici là, il y aura l'été. Ça risque de nous faire du bien moralement. Oui, au moins moralement. On déconfine dans sa cour. Le temps de trouver un vaccin. Valérie, encore, qu'en est-il de ce fameux vaccin? On ne l'a pas encore trouvé. Il n'y a pas eu le miracle tant attendu, là. Ah bah pas encore. C'est parce que ça prend du temps pour faire un vaccin. C'est pas miraculeux. C'est ça exactement. Donc oui, dans cet article-là, on voit des vagues, on voit un graphique avec des vagues successives jusqu'à l'automne 2021 et on parle souvent de 18 mois, 24 mois, le temps d'avoir un vaccin. Le temps aussi même, peut-être avant d'avoir un vaccin, d'avoir des traitements pour des médicaments. Pour aider les personnes infectées et éviter qu'une personne infectée n'en vienne en détresse respiratoire qui nécessite les hospitalisations et des aspirateurs artificiels. Donc, il peut quand même, même si le vaccin tarde à arriver, peut-être qu'il peut y avoir des médicaments qui vont quand même aider. Et oui, ça prend du temps de trouver un vaccin parce que, faut trouver la cible, on tire sur où sur le vaccin, puis ensuite il faut faire toute la série de tests précliniques, clinique phase 1, clinique phase 2, clinique phase 3, et on veut surtout pas qu'il y ait d'erreurs, parce que quand on vaccine, c'est pas pour rendre les gens malades. Et dans ce cas-là, ce sera pas, on veut pas une expérimentation, on veut pas trop expérimenter avec le vaccin, il faut que ça fonctionne du premier coup. Ben oui, c'est ça. Puis le temps de faire tous ces tests-là. Et ensuite, il faut le produire en quantité énorme. C'est pour ça qu'il faut quand même être patient de ce côté-là. OK. Ben merci, Valérie. C'était très éclairant. Le déconfinement, oui, on comprend bien maintenant que c'est assez complexe comme processus. Oui, je crois qu'il faut se préparer mentalement à être patient. Oui, merci. Merci beaucoup, Valérie. Vraiment, c'est d'une lucidité très éclairante. On se reparle vendredi.